Si des relations nord-sud entre les pays développés et les pays en voie de développement sont une obligation universelle qui concerne tous les pays développés et tous les pays en voie de développement, il est tout à fait légitime qu'il y ait une répartition des tâches à travers le monde et que chacun s'intéresse plutôt au sud qui lui est naturel et proche. Or, le sud, pour nous, c'est quelque chose qui a une origine historique, bien sûr, puisque la France a exercé en Afrique des responsabilités considérables dans le passé, mais qui a aussi une nature géographique. Et pour nous, l'Afrique est véritablement notre sud. Il est donc normal qu'il y ait une sorte de recentrage de la politique de coopération, sans bien sûr négliger un certain nombre de pays qui, pour n'être pas tout à fait dans l'aire géographique que j'ai ainsi définie, n'en sont pas moins des pays qui ont avec la France des liens privilégiés ou qui pourraient en retrouver. Autre conception, celle de Charles Josselin, ministre délégué chargé de la coopération et de la francophonie, telle qu'elle s'exprime dans cette interview de février 1998 au micro de Christophe Boisbouvier de RFI.